Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les sept boules de cristal. Quatrième et dernier épisode. Durant la nuit que Tintin et Haddock ont passé chez le professeur Bergamote, celui-ci a été à son tour frappé par le mystérieux sommeil léthargique dont avaient déjà été victimes ses collègues. Dans les heures qui ont suivi, pour une raison inconnue, le professeur Tournesol a été enlevé dans le parc de la propriété. Tintin a aussitôt donné l'alerte et la voiture de ses ravisseurs a pu être retrouvée, mais vide. Le lendemain, alors qu'il est rentré chez lui, Tintin s'apprête à lire le compte-rendu du journal sur cette mystérieuse affaire. Voyons cela. Ah voilà. L'auto utilisée par les ravisseurs de Monsieur Tournesol est une conduite intérieure beige. Bon. Ah, signalement de ses occupants, type étranger. C'est cela. Toute personne qui pourrait fournir des renseignements est priée de se présenter au poste de police ou de gendarmerie le plus proche. Ça va, tout espoir n'est pas perdu. Allô ? Allô ? Ici Dupont, avec un T. Dites donc, il se passe des choses étranges à la clinique où les 5 explorateurs ont été hospitalisés. Comment cela, étrange ? Je dirais même plus des choses très étranges. Je crois que vous feriez bien d'y faire un saut. Est-ce donc si grave? Eh ben, mieux vaut que vous vous en rendiez compte par vous-même. Ah, eh bien, c'est entendu, je vais y aller immédiatement. Bonjour docteur, je viens voir les explorateurs de l'expédition Sanders-Hardmuth. On m'a dit que... Oui, c'est un phénomène vraiment extraordinaire. Tous les jours, à la même heure, les sept malades entrent dans une sorte de transe inexplicable. D'ailleurs, voyons, bon, il va être bientôt 10h30, l'heure de leur crise. Vous allez vous rendre compte. Suivez-moi. Bien. En ce moment, d'importantes sommités du monde médical sont à leur chevet, attendant que le phénomène se produise. Vraiment. Voici les malades. Vous allez voir. Mais ils ont tous l'air absolument calmes. Pour le moment. Mais attendez, ça va commencer. Encore quelques secondes. Voilà. Ça alors. Mais c'est inouï. N'est-ce pas? Quel rapport peut-il bien y avoir entre tout cela et l'enlèvement du professeur Tournesol? Bonjour Nestor, comment va le capitaine? Oh, monsieur Tintin, il a vieilli de 10 ans depuis que le malheur est arrivé. Et de votre côté, du neuf? Rien, Nestor. À croire que ce pauvre monsieur Tournesol s'est volatilisé. Mon Dieu, comme monsieur va être déçu. Voilà, monsieur. Bonjour, capitaine. Ah, bonjour. Eh bien, avez-vous des nouvelles de Tournesol? Hélas, capitaine, pas la moindre. Tonnerre de Brest. Allô? Oui, c'est moi, qui est à l'appareil? Ah, eh bien, des nouvelles? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Qui est-ce? Un garagiste. Oui? Oui? Et ils sont partis? Tonnerre de Brest! Que se passe-t-il? En route, mille sabords! Capitaine! Monsieur? Capitaine, où allez-vous? Monsieur? Capitaine! Monsieur! Monsieur! Capitaine! Capitaine! Capitaine! Vous permettez? Monsieur, c'est moi, Nestor! Il ne répond pas. Si j'osais, je risquerais bien de... Mais oui, allez-y! Regardez par le trou de la serrure. Vous voyez quelque chose? Rien! Je... Oh, en route! Quoi? Mais en route pour où, capitaine? Et maintenant, capitaine, me direz-vous enfin où nous allons? À Saint-Nazaire. La police m'a téléphoné. L'autobège a été vu par un garagiste des environs de cette ville. Ses occupants se sont arrêtés chez lui pour prendre de l'essence et ils sont repartis en direction du port. Sans aucun doute, les ravisseurs de Tournesol se sont embarqués. Mais nous nous embarquerons aussi, mille sabords. Et nous l'arracherons des mains de ces iconoclastes, de ces vampires, de ces... Et puis procédons. Saint-Nazaire, le port, les quais, l'océan, le vent du large. Aurons-nous le plaisir de revoir votre ami, le capitaine Chester, là-bas? Non, je crois que son cargo, le Valmy, se trouve en ce moment à La Rochelle. Et où en étais-je? Ah, oui. L'océan, le vent du large, les embruns qui vous fouettent le visage. À propos d'embruns, capitaine, vous voilà servi. Il s'abat. Vite, la capote. Ou nous allons être trempés. Eh bien? Un sale papa, tonnerre de Brest. Il y a quelque chose qui accroche. C'est vrai, capitaine? Ah, mille millions de mille sabords! Qui m'a fiché une capote pareille? Vite, ils sont là. Voilà, ça y est. Pas trop tôt. Mais... On se moque de nous! Ce n'était qu'une averse. Tonnerre de Brest, je suis trempé maintenant. Attendez que je sors au moins ma veste. Bien sûr, faites. Me voilà un peu plus sec tout de même. Bandit, chauffard, saltimbanque, écraseur, brute, nictalope, parasite. Venez, capitaine. Cornichon, moule à gaufre, zoulou. Allons, en route, capitaine. Nous n'arriverons jamais. Et demain, dès que nous serons arrivés à Saint-Nazaire, nous irons chercher des renseignements à la police. Messieurs, rien de nouveau. Une auto beige, mais était-ce celle dans laquelle se trouvait votre ami, a été vue, en effet, se dirigeant vers Saint-Nazaire. Mais depuis, plus rien. Nous cherchons, c'est tout ce que je peux vous dire. Quoique, à mon avis, il y ait peu de chance pour... Excusez-moi. Allô? Oui, ici le commissaire de police, oui. De nouveau? Quoi? Dans un bassin du port? Ah, ça, par exemple. Eh bien, messieurs, vous êtes tombés à pic. L'autobus vient d'être retrouvé dans un bassin du port. Si vous voulez m'accompagner, nous irons voir. Avec grand plaisir. La voilà donc, cette fameuse auto-beige. Eh ben, elle est dans un sale état. C'est un chalutier qui rentrait au port. Il a heurté une épave, on a dragué, et voilà. Ouais, bon. A-t-on découvert une indication quelconque? Plaque, numéro du moteur? Rien, commissaire. Pas de plaque d'immatriculation. Le numéro du moteur et celui du châssis ont été rendus illisibles à coup de burin. Et comme c'est une voiture de grande série, il y a peu de chance. Oui, de... je vois. En tout cas, une chose est certaine. C'est que les ravisseurs de M. Tournesol se sont embarqués ici après avoir essayé de faire disparaître leur voiture. Oui, peut-être. Nous allons immédiatement transmettre le signalement de votre ami à tous les paquebots qui ont quitté Saint-Nazaire depuis le 12. Et nous attendrons les résultats. Entendu, commissaire. Et tenez-nous au courant, voulez-vous? Bien sûr. Tout compte fait, nous ne sommes guère plus avancés. En effet. Tiens, un départ pour l'Amérique du Sud. Dire que les ravisseurs de Tournesol sont peut-être à bord. Et peut-être Tournesol lui-même. Ce pauvre Tournesol. Sapristi, est-ce que... Mais non, je ne me trompe pas. Ah, qu'avez-vous vu? Général! Bonjour, général. Ay, Dios de mi vida! Tintin! Amigo mio! Eh bien, général, on s'en va en tournée. En tournée? Caramba! Je retourne dans mon pays! Fini le music hall! Il n'y a plus de partenaires! Plus de partenaires? Et Chiquito? Parti! Disparu! Évaporé! Depuis 10 jours! Oh, il n'y a rien à lui reprocher. Avant de partir pour l'Europe, il m'avait dit qu'un jour, il me quitterait et que je ne devrais ni m'inquiéter ni le faire le chercher. Alors voilà, c'est comme ça. Depuis 10 jours, il a donc disparu le 12. Tiens, tiens. Dites-moi, c'est un véritable Indien, ce Chiquito? Si c'est un véritable Indien, Santa Madre de Dios, c'est un des derniers descendants des Incas. Comment? Un descendant des Incas? Vous en êtes sûr? Tout à fait sûr. C'est un Indien de pure Quechua. Chiquito, c'est un nom de théâtre. En réalité, il s'appelle Rupak Inca Huaco. Rupak Inca Huaco. Le mangue. L'homme maigre à côté du chauffeur dans l'autobège. Quel autobège? N'avez-vous jamais vu Chiquito en compagnie d'un homme assez gros avec de petites moustaches noires et des lunettes d'écaille? Un Péruvien peut-être? Jamais. Il ne voyait personne. Il ne parlait à personne d'autre que moi. Caramba! Il est temps de vous quitter. Adios, amigo mio. A bientôt, peut-être. Bon voyage, général. Eh bien, qui donc avez-vous rencontré là? Le général Alcazar, qui m'a appris deux choses très curieuses. Primo, son partenaire Chiquito, a disparu depuis le 12. Or, c'est dans la nuit du 12 au 13 que M. Bergamote a été victime de la boule de cristal. Le 13, on enlevait M. Tournesol et on volait les bijoux de la momie. Quel rapport? Secondo, Chiquito s'appelle en réalité Rupak Inca Huaco. Et c'est un descendant des Incas. Quoi? Curieuse coïncidence, n'est-il pas vrai? Voilà, tout est noté. Bon, nous allons essayer de retrouver la trace de ce fameux Chiquito. Il n'est pas impossible, en effet, qu'il ait trompé dans cette affaire. De toute façon, je vous tiendrai au courant des résultats de l'enquête. Merci beaucoup, commissaire. Bon, merci, commissaire. Voilà qui est réglé. Et maintenant, capitaine, que faisons-nous? Je n'en sais rien. Oh! Mais je crois que j'ai une idée. Dites. Pourquoi n'irions-nous pas dire bonjour à votre ami, le capitaine Chester? Vous m'avez dit hier que son cargo, le Valmy, était à La Rochelle. Excellente idée. Allons-y. quelques heures plus tard... Où donc est le Valmy? Chester m'avait pourtant écrit qu'il était amarré au quai numéro 18. Ah, nous allons nous informer. Pardon, mon brave. Savez-vous où se trouve le cargo appelé Valmy? Valmy? Oui, il était ici. Il est parti ce matin avec la marée. Vous n'avez pas de chance? Pas de chance, en effet. Tonnerre de Brest. Si au moins nous avions des nouvelles de Tournesol. Mais rien. Pas la moindre piste, pas le moindre indice. Pas de chance. Capitaine, qu'avez-vous? Là, le chapeau. Je comprends. La farce classique, évidemment. Une brique sous un vieux chapeau. Et vous avez donné un coup de pied dedans. Là, capitaine, voilà ceux qui ont fait le coup. Gardement, bandit, ils sont de classe. Vous allez voir ce que j'en fais, moi, de votre brique. Capitaine, ne faites pas ça, voyons. C'est beaucoup trop dangereux. Oui, c'est vrai. Et puis, ils sont déjà trop loin. N'empêche que si jamais je les retrouve, ces Olybrius, ils se souviendront du capitaine Haddock. Eh bien, Milou, que nous apportes-tu là? Un chapeau? Ma parole, c'est celui dans lequel le capitaine a donné un coup de pied. Allez, hop! Et ne touche plus à cette saleté. Ici, Milou! Ici! Veux-tu laisser ce chapeau? Ah, c'est comme ça que tu obéis? Allons, fini maintenant ce petit jeu. Allez hop, allô! Là au moins tu n'iras pas le reprendre. Allons-y, capitaine. Allons. Milou! Ici! Viens! Mais qu'est-ce qui lui prend? Ah, ça! Te moquerais-tu de moi par hasard? Tête de mule! Que veux-tu donc que je fasse de ce chapeau? M'en coiffer? Pour que je ressemble? Sapristi. Mais non, c'est impossible. Capitaine? Capitaine? Le chapeau de Tournesol. Quoi? Oui, le petit chapeau rond de notre ami. Voilà pourquoi Milou s'obstinait à nous le rapporter. Regardez les initiales. T. Griffon Tournesol, mais alors... Tournesol n'a donc pas été embarqué à Saint-Nazaire, mais ici, à La Rochelle. Sur quel bateau? Et pour quelle destination? Voilà ce qu'il faudrait savoir. Oui, mais comment le savoir? Oh, mais j'y songe. Essayons de retrouver les deux galopins qui nous ont fait le coup du chapeau. C'est ça. Et je leur ferai voir de quel bois je me chauffe, moi, c'est de l'ascar. Au contraire, capitaine, vous serez très aimable avec eux. D'abord, c'est grâce à eux que nous avons trouvé le chapeau. Ensuite, il leur reste à nous dire dans quelles circonstances ils l'ont trouvé eux-mêmes. Au fait... Mon brave vieux Milou, grâce à toi, nous venons de faire une découverte magnifique. C'est très bien. Mais tu vas encore nous rendre un service. Tu vas nous aider à découvrir les deux garnements que tu connais pour les avoir poursuivis tout à l'heure. Et une heure plus tard... Non, ça c'est ma bille. Oui. Oh non. Si. Oh. Bah, qu'est-ce qui te prend? Bonjour, mon vieux. Rassure-toi, nous ne te voulons aucun mal. Dis-nous simplement où, quand et comment tu as découvert ce chapeau. Ce chapeau? Nous jouions ce matin dans l'entrepôt là-bas, le numéro 17. Il y avait là des tas de caisses qu'on chargeait sur le Black Cat. Alors sous une pile de caisses qu'on venait de sortir de l'entrepôt, j'ai aperçu ce galurin, hein, tout aplati. Mais croyez-moi, c'est pas moi qui l'ai aidé de faire la farce, c'est mon camarade. Eh bien, ton camarade a eu là une excellente idée. N'est-ce pas, capitaine? Oui, bon... Au revoir. Et maintenant, à la capitainerie du port. Nous allons leur demander depuis quand ces caisses se trouvaient dans cet entrepôt. Ces caisses, elles sont arrivées là le 14, par chemin de fer. Ce matin, elles ont été chargées sur le Black Cat. Parfait. Encore une question. La veille de leur arrivée, y avait-il un bateau à quai en face de l'entrepôt numéro 17? Le 14, voyons. Oui, il y avait là le Pachacamac. Un cargo péruvien, arrivé le 10 de Callao avec un chargement de guano, reparti le 14 pour Callao avec une cargaison de bois. Très bien, je vous remercie. Merci. Alors, qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, c'est bien simple. À mon avis, Tournesol, enlevé par Chiquito, un indien péruvien, est à bord du Pachacamac, un cargo péruvien, en route pour Callao, un port péruvien. Mais alors, tonnerre de Brest, il faut partir tout de suite et l'arracher des mains de ces bandits. D'accord. Nous partirons donc le plus vite possible pour le Pérou. Demain ou après-demain. Mais d'abord, je vais téléphoner au commissaire pour lui faire part de notre découverte. Et moi, je vais téléphoner à Nestor pour lui annoncer notre départ. Deux jours plus tard. C'est par l'avion pour l'Amérique du Sud qui s'en va là-bas, n'est-ce pas? Si, c'est lui. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, quel malheur. Oh, quel malheur, pauvre, pauvre monsieur. Oh, pauvre monsieur. Qu'y a-t-il? Quelque chose de grave? Je vous crois. Mon maître s'est embarqué sans un seul monocle de rechange. Oh, oh, oh. Et maintenant, en route pour le Pérou. Nous serons à Callao avant le Pachacamac. Là, nous avertirons immédiatement la police et à l'arrivée du cargo, nous retrouverons Tournesol. Oui, tout cela est bel et bon. Mais je me demande si tout ira aussi bien que vous le supposez. Pour le savoir, attendez de suivre les aventures de Tintin et du capitaine Haddock au Pérou, dans le Temple du Soleil. C'était « Les sept boules de cristal » d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulin-Sart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio. Orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Alain Langlais, Nestor, Jérôme Pouli, le commissaire, Christian Gonon, le docteur, Serge Bagdasarian, Dupont, Christian Eck, Dupont, Jennifer Decker, Quick, Laurent Lafitte, le général Aikazar, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur. Et les voix de Tristan Cotin, Amaranta Kuhn, Jisoo Jang, Axel Mandron, Pierre Ostoya Magnin, Marina Kapp, Milou. Bruitage, Sophie Bissant et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Émilie Couette. Prise de son musical, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Xavier Lévesque et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.